Vatican, chapitre 3, Père de l'Église. À l'occasion d'un incident survenu à Los Angeles, lorsque quelqu'un avait dessiné le swastika, l'emblème nazi, sur la synagogue Beth Israël, les journalistes avaient posé la question suivante au rabbin local. Est-ce que le accroissement de l'antisémitisme vous fait beaucoup de soucis? Celui-ci avait répondu, bien sûr que oui, chaque fois que je vois la croix gammée, cela me fait tressaillir. Mais je vais vous dire ceci. Jamais plus quelqu'un de notre peuple ne se trouvera dans les camps de la mort. Je me sens vraiment blessé par cet acte fasciste. L'action de ces gens malveillants sera stoppée. La police arrêta William Smith, qui avait dessiné le swastika sur la synagogue Beth Israël. Un journaliste lui posa alors cette question. À ce que l'on prétend, vous avez dessiné la croix gammée sur la synagogue. Est-ce que c'est vrai? William Smith répondit avec assurance. Comment dites-vous, l'homme prétend? C'est moi qui l'ai fait. Il est bien temps qu'on comprenne que ces sordides juifs sont la cause de tous nos problèmes. Ils possèdent tout. Et cette histoire sur les 6 millions de juifs tués n'est qu'un mensonge inventé par le journalisme juif. Une nouvelle question lui fut posée. Vous voulez dire que l'Holocauste n'a pas eu lieu? Bien sûr que non. Tout cela n'est qu'un grand mensonge, fut la réponse de Smith. Cet homme était un simple serviteur du Vatican et disait des mensonges inouïs. Peut-être quelqu'un se posera cette question. Qu'est-ce que le Vatican a à voir avec le nazisme? Quand j'étais jésuite sous serment, on nous a appris bien des choses sur le nazisme et le communisme, ainsi que la raison pour laquelle des millions de juifs non armés ont été tués. Pendant 3 ans, j'ai été instruit par le brillant jésuite allemand, le cardinal Augustin Beya, 1881 à 1968, confesseur du pape Pie XII, plus connu pour avoir été le pape d'Hitler. C'était des résumés d'événements historiques jamais présenté dans les livres d'histoire. Alors, le cardinal Béat, c'est celui qu'on voit sur la photo ici. Voilà. L'Église catholique romaine a créé beaucoup d'idéologies. Je n'en citerai que deux. Ces deux-là ont été créés et cultivés par le Vatican en vue d'apporter la mort et la souffrance à des milliers de personnes. Il s'agit d'un des secrets les plus gardés des temps modernes. Les deux enfants de l'Église romaine sont le parti nazi et le parti communiste. Mais avant de le démontrer, je dois expliquer pourquoi les Juifs étaient toujours la cible de l'Église catholique romaine. L'Église romaine a toujours désiré avoir son siège à Jérusalem, car c'est de là que la première Église chrétienne, dite apostolique, tire son origine. Mais elle était empêchée de réaliser son rêve par les juifs orthodoxes. C'est pour cela qu'ils sont devenus le point de mire des catholiques. L'histoire nous apprend que pendant les croisades, les chrétiens luttaient pour Dieu et le pape, voulant libérer la terre sainte du contrôle islamique. Ces soldats n'étaient chrétiens en aucun sens du mot. Ils ne connaissaient rien, ni Dieu, ni la Bible. C'étaient des gens durs et impies, dirigés par les prêtres afin de réaliser leur plan diabolique. En 1096, ils ont tout d'abord attaqué les Juifs en Europe en détruisant des monuments, en détruisant des communautés entières. Lors de leur avancement vers Jérusalem, les Juifs ont souffert de toutes sortes d'atrocités. La machinerie catholique romaine ne faisait preuve d'aucune miséricorde. Ils laissaient derrière eux des traces de sang, de mort, de misère et de haine. Un grand nombre de Juifs étant sournoisement tués, leurs enfants étaient de force convertis au catholicisme. L'Église romaine avait son plan avec eux. Pourquoi l'Église romaine avait-elle le désir d'avoir son siège à Jérusalem? Pourquoi abandonner la place Saint-Pierre et son trône à Rome? Après tout, Pierre n'est-il pas crucifié la tête en bas hors de Rome comme l'Église catholique l'a raconté pendant des siècles? Ces os ne sont-ils pas enterrés au Vatican? Malheureusement, ces dernières années, il est arrivé quelque chose de compromettant pour l'Église romaine. Le tombeau de l'apôtre Pierre a été découvert à Jérusalem sur le site du couvent des franciscains nommé Dominus Flevit. Quelle déception pour le Vatican! Il était très difficile de garder cette information secrète. Et maintenant, nous allons dire quelque chose sur un autre ennemi mortel de Rome, l'Église orthodoxe. Les troubles ont commencé vers l'année 330 après Jésus-Christ. En ce temps-là, l'Église chrétienne était exposée à de grandes persécutions de la part des païens romains. Cependant, malgré la persécution, le nombre de chrétiens augmentait. L'empereur essaya d'arrêter ce mouvement, mais sans succès. On établit alors une fausse église chrétienne qui devait contrôler les fidèles par la peur et la tradition païenne. Voici comment cela s'est produit. Avec la décadence et la chute de l'Empire romain, les dirigeants d'alors remplacèrent leurs vêtements impériaux par des costumes religieux pseudo-chrétiens. Cependant, leur système païen resta intact. Tout simplement, ils donnèrent de nouveaux noms à leurs vieilles divinités, ainsi qu'à leurs idoles. Jupiter devint l'apôtre Pierre, Vénus fut transformée en la Vierge Marie. En 313 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin promulgua l'édit de tolérance. En se proclamant le premier pape, il voulait unir les impies et les gens religieux en mélangeant l'adoration païenne de Baal et l'enseignement biblique. Et c'est cette confusion qui engendra le système catholique romain. Les gens religieux respectant la Bible étaient bien conscients qu'ainsi un vrai monstre venait d'être créé et il se nommait christianisme. Alors, ils savaient que c'était un faux système religieux, tout à fait contraire à la Bible. Pour sauvegarder leur famille, ils s'enfuirent alors dans les montagnes. Après s'être retirés, Constantin donna à l'évêque de Rome le titre de Pontifex Maximus, lui transmettant ainsi la charge de pape. Constantin partit à Byzance en 330, donnant à la ville un air nouveau et la nommant Constantinople. Quant à lui, il resta fidèle au système catholique romain. Avec le temps, il y eut une division de l'institution catholique romaine entre Rome à l'ouest et Constantinople à l'est. Constantinople devint le siège principal de l'Église orthodoxe. Le catholicisme romain et le système orthodoxe devinrent des ennemis jurés. En 1204, le pape Innocent III commença la quatrième croisade en attaquant Constantinople. Ces croisés détruisirent la ville et sa population en pillant tout ce qu'ils pouvaient atteindre. Au lieu de se soumettre au contrôle du pape, les survivants le maudirent et s'éloignèrent encore plus de lui. Par la suite, les églises d'Orient se retrouvèrent sous la protection du tsar russe. L'institution catholique décida alors de ruiner le tsar appartenant à l'Église orthodoxe s'il refusait de se soumettre à l'Église romaine, comme elle avait fait avec les Juifs. Pendant des siècles, jusqu'en 1491, les papes, en tant que dirigeants religieux, régnèrent sur les rois et les reines d'Europe. Ce fut une période ténébreuse de l'histoire. Cependant, peu à peu, la situation changea pour la papauté. Des troubles et des rébellions commencèrent. Les gens protestèrent contre la tyrannie des papes, d'où leur nom protestant. En ce temps-là, un petit garçon vint au monde dans le château de Loyola en Espagne. C'était un Basque espagnol. Une fois grand, ce garçon voulut changer le monde. Il s'appelait Ignace de Loyola. C'était un génie satanique. Il forma une armée de prêtres tout à fait consacrés à la discipline et à l'ordre, les jésuites. Très vite, ils allaient devenir la force d'attaque religieuse la plus terrible de l'histoire. C'était une unité spéciale de l'Église romaine. Les jésuites ont rendu esclaves tous les peuples qu'ils ont réussi à briser. Ils provoquèrent des guerres et tuèrent des rois et des présidents, entre autres Abraham Lincoln. Ils étaient en état de faire tout ce qu'on peut imaginer pour détruire la vie et la réputation de quiconque oserait leur barrer la route. Ils furent chassés de presque tous les pays, sauf de l'Amérique, où ils étaient très actifs, contrôlant la politique, l'immigration en Amérique. Leur travail consistait à mettre tout homme, toute femme ou tout enfant à genoux devant le pape, considérant le pape comme étant Jésus-Christ sur la terre et le soumettant donc à sa puissance. Le général jésuite est considéré comme le pape noir. C'est lui qui, en réalité, dirige le Vatican secrètement, conduit par Satan lui-même. La plupart des livres exposant l'histoire sanguinaire des Jésuites sont soit perdus, soit détruits, ou ne sont plus imprimés. Et pas seulement les livres, mais les anciens prêtres jésuites se cachent, ont disparu ou bien sont morts. Est-ce que les Jésuites jouent un rôle au XXe siècle? Ce que vous allez lire à la suite est vraiment choquant. Dans notre émission spéciale au Vatican, nous avons appris le vrai récit sur le communisme. Des membres fidèles au Parti communiste seraient choqués s'ils venaient à découvrir qui étaient leurs illustres héros, Marx et Engels. Ceux qui ont écrit le manifeste du Parti communiste en 1848 et qui étaient guidés et instruits par les prêtres jésuites. Le cardinal Augustin Béat nous a dit que le Parti communiste avait été suscité par des jésuites n'ayant qu'un seul devoir. Dans un temps déterminé, ils devaient détruire la détestable Église orthodoxe ainsi que son protecteur, le tsar russe. C'était de la vengeance. Le Parti communiste était suivi continuellement par des agents romains Illuminati en vue de créer une autre force importante loyale à l'Église catholique. Avant la Première Guerre mondiale, une grande puissance constituée par des riches juifs essayait de reprendre le contrôle sur Jérusalem. L'Église romaine en était furieuse. Les juifs bloquaient de nouveau leurs tentatives secrètes en vue d'un déménagement dans la Terre Sainte. Ces juifs qui luttaient contre l'institution romaine paieront cher leur obstination. C'est ainsi que les jésuites firent des plans non seulement pour exterminer tous les juifs européens, mais également pour susciter la haine de tous contre eux. On nous a fait savoir que les jésuites ont insisté pour que certains juifs loyaux au pape écrivent un document appelé Protocole des sages de Sion. C'est ainsi que l'Église catholique a créé un autre chef-d'œuvre. Ce document allait aplanir le chemin de la future Inquisition, même si cela coûterait également la vie à des millions de catholiques. Au début des années 1900, la France mit le comble à la colère de l'Église romaine en concluant un accord politique avec le tsar de Russie, provoquant ainsi la fureur du pape et des jésuites. La France se trouvait déjà sur la liste des pays à détruire depuis qu'elle avait détrôné son roi catholique, 1793, pour devenir une république. Cet accord avec le tsar russe représentait la dernière goutte qui fit déborder le vase. Entre-temps, l'Église orthodoxe devenait de plus en plus forte en Bulgarie, en Roumanie, en Grèce, dans la partie européenne de la Turquie, en Serbie et le reste de la Yougoslavie. L'Église catholique devait mettre la France à genoux et en finir avec la compétition des religions dans les Balkans. La solution était simple. Les jésuites planifièrent, suscitèrent et en sous-main menèrent la Première Guerre mondiale. Le pape soutint l'Allemagne et lorsque le dirigeant allemand, le Kaiser, prit l'Église catholique de lui permettre d'étendre les frontières allemandes, le pape Pie X et ses jésuites lui donnèrent leur bénédiction. Après le commencement de la guerre, le pape Pie X mourut le 20 août 1914, laissant la place au nouveau maître. Le pape Benoît XV devint son héritier. Il entretenait également des relations amicales avec l'Allemagne. Et pendant qu'on apercevait à l'horizon la fin de la guerre qui devait déterminer toutes les autres guerres, les catholiques allemands se mirent à tuer les catholiques français. Le maître ne se souciait pas du nombre de catholiques tués. Il était plutôt préoccupé d'utiliser la force et de se venger. L'Allemagne combattait contre la France, l'Angleterre et la Russie. Enfin, l'Amérique entra aussi dans la guerre. Celle-ci dura 4 longues années. L'Europe était ruinée. L'Église romaine avait jeté des millions d'hommes dans l'enfer. Alors que les hommes hurlaient à l'agonie, mourant dans la boue, entourés de fils de fer barbelés, exposés aux balles et tués par les gaz toxiques, les jésuites étaient occupés à faire des plans pour la Deuxième Guerre mondiale. Inconnus du peuple allemand, les jésuites avaient déjà sacrifié l'Allemagne catholique, le Kaiser et son gouvernement, dans le but d'engendrer une nouvelle inquisition. Pertes durant la Première Guerre mondiale. Nombre de tués, 10 millions d'hommes. De blessés, 20 millions d'hommes. Pertes matérielles dans le monde entier, plus de 332 milliards de dollars. L'Angleterre et l'Amérique protestante remportaient la victoire. C'est pour cette raison que les jésuites tentent toujours de détruire l'Angleterre et l'Amérique. Retenons les mots d'Abraham Lincoln. Les jésuites ne pardonnent jamais et ne renoncent jamais à leur but. En Russie, le tsar Nicolas, qui était le protecteur de l'Église orthodoxe russe, et sa femme, la tsarine Alexandra, avaient un fils qui s'appelait Alexei, héritier du trône. Le petit garçon souffrait d'hémophilie. S'il se coupait, son sang n'arrivait pas à se coaguler. S'il tombait dans quelque jeu, toute lésion pouvait causer une hémorragie interne. Ce fait brisait le cœur de sa mère. Les médecins n'étaient pas à même de l'aider. Ainsi, le petit garçon souffrait énormément. Raspoutine, appelé moine fou, était un homme possédé par les démons, comme beaucoup de prêtres aujourd'hui prétendent avoir le pouvoir de guérir. Raspoutine affirmait avoir vu la vision de Dieu et de la Vierge Marie. Il s'approcha du garçon et l'hémorragie s'arrêta. Ces choses connues que Raspoutine participait à une sorte d'adoration satanique et sexuelle. Il contrôlait la tsarine russe. Il avait beaucoup d'ennemis dans la haute société. Bien des gens le considéraient comme un monstre obsédé qui gouvernait la Russie en sous-main. Le tsar lui-même craignait Raspoutine et ses pouvoirs extraordinaires. Le cardinal Augustin Béat raconta que la tsarine, dans un moment de faiblesse, révéla à Raspoutine où le tsar gardait son or. Raspoutine donna cette information au patriarche de l'Église orthodoxe russe avant d'être assassiné. Durant les réunions régulières, le cardinal Augustin Béat nous révélait les objectifs historiques, présents et futurs de la puissance terrestre du Vatican. C'était la période où l'Église essayait de mieux s'organiser à la suite du deuxième concile du Vatican. Le cardinal disait, après avoir travaillé longuement et attentivement à la préparation de la révolution russe, les jésuites ont collaboré intimement avec Marx, Trotsky, Lénine et Staline. Nous avons transféré en secret notre or en Russie à travers l'Allemagne, aidé par un de nos hommes importants. Tout portait à croire que bientôt ennemi serait détruit et le communisme allait surgir comme une licente file de I, Église catholique. Lénine se trouvait en Suisse quand il apprit la nouvelle que la révolution devait commencer en Russie. Pour aider la révolution à détruire leurs ennemis, le haut commandement allemand et d'autres encore préparèrent en secret un train pour transporter Lénine et ses révolutionnaires à travers l'Allemagne. En mai 1917, Lénine et quelques-uns de ses hommes les plus importants prirent le train dit spécialement assuré. Parmi les responsables les plus importants de la préparation de ce tome se trouvait Diego Bergen, un catholique allemand consacré, entraîné dans les écoles des jésuites, plus tard nommé ambassadeur au Vatican pendant le régime hitlérien. Si la révolution réussissait, cela signifierait la mort de millions de gens, y compris le tsar et sa famille. Lorsque Lénine arriva en Russie en 1917, d'autres révolutionnaires contrôlaient déjà la révolution. Le tsar fut forcé d'abdiquer et ensemble avec sa famille, ils furent mis en détention arbitraire. Son gouvernement était tombé et la plupart des soldats de son armée l'avaient quitté. La confusion régnait partout. Une partie de l'armée restée loyale au tsar fut nommée Russe blanc et les révolutionnaires rouges. Ces deux groupes étaient des ennemis mortels, luttant pour leur survie. Lénine obtint le contrôle sur le gouvernement révolutionnaire qu'il transféra à Moscou le 10 mars 1918. En avril, la famille du tsar fut transférée, pour des raisons de sécurité, à Ekaterinbourg, dans l'Oural. L'armée des Tchèques, armée blanche, approchait du lieu où séjournait la famille. Il y avait une grande chance qu'elle puisse être libérée. Mais le 17 juillet 1918, un groupe de soviets de l'Oural organisa une sorte de cour martiale et déclara coupable la famille tsariste. On nous a dit que quelques-uns parmi eux étaient des jésuites, faisant semblant d'être communistes. Finalement, le moment que le pape attendait depuis longtemps arriva. Le protecteur de l'Église orthodoxe se trouva face à face avec les jésuites romains qui assassinèrent sans pitié la pauvre famille terrifiée. Plus tard dans la nuit, leurs corps furent transportés en camion dans une mine abandonnée dite des Quatre Frères. Là-bas, les cadavres furent dépecés, trempés d'acide, brûlés et jetés dans la mine abandonnée. Voici la famille du tsar. Les jésuites menèrent cette affaire avec une telle rapidité que le parti central communiste ne se rendit compte du jugement et de l'assassinat du tsar et de sa famille qu'après coup. Ce fut une grande victoire de l'Église romaine. On nous a dit ainsi que la chasse aux patriarches, aux clergés et aux moines et aux religieuses commença dans toute sa force. L'Église romaine attendait avec beaucoup d'impatience des nouvelles concernant la destruction de ses adversaires religieux. Le cas de l'Église orthodoxe russe était une sorte de test. Si l'Église russe tombait, le but suivant serait l'Église anglaise qui chancelait toujours par suite de la fausse conversion du grand jésuite, le cardinal Newman. Bien que la tentative avec l'Église russe ait échoué, comme je vais tout à l'heure l'expliquer, cependant l'Église anglaise tombera dans les mains du Vatican 60 ans plus tard grâce au mouvement œcuménique. Après l'assassinat de la famille tsariste, les soviétiques commencèrent à attaquer les monastères. Ainsi reprit la tuerie. Seul un étrange retournement de la situation a pu sauver l'Église russe. Le vieux patriarche avait une solution de réserve qu'il tenait en secret. Quand l'armée rouge était sur le point de tuer le vieux patriarche, celui-ci vient à leur rencontre, les bras ouverts et avec des larmes aux yeux. Leur dit, « Camarades, vous voilà enfin. On vous attendait. On gardait l'or du tsar pour vous, mes chers camarades. » De l'or pour nous. Les communistes furent alors très surpris en entendant dire ces paroles. Ils déposèrent leurs armes, acceptèrent l'or ainsi que l'amitié du patriarche et ordonnèrent que la tuerie du clergé, des moines et des religieux cesse immédiatement. L'Église orthodoxe fut sauvée. Les communistes obtinrent non seulement l'or du tsar, mais gardèrent également l'or du pape. On a estimé la valeur de l'or du pape arrivé en Russie à travers l'Allemagne à 666 millions de dollars. En l'apprenant, le pape faillit mourir d'une crise cardiaque. Il fut trahi par ses propres communistes. L'Église catholique était près de la folie due à sa haine. Ils étaient trompés et les communistes allaient payer cher cette tromperie, sans égard au prix. Le Saint-Office allait bientôt continuer à travailler au milieu de l'Inquisition espagnole en apportant la souffrance, la mort et la vengeance à tous ses ennemis. Pourtant, cette fois-ci, en plus des Juifs et des protestants, les victimes seraient aussi l'Église orthodoxe et le communiste russe. Les Jésuites savaient pourquoi réaliser un tel plan par le moyen de la Deuxième Guerre mondiale. En suivant les conférences du cardinal Augustin Béat, nous avons appris que le Vatican pouvait avoir un grand impact sur l'économie mondiale. Il peut faire en sorte que les peuples se jettent à genoux devant le pape en créant des crises planifiées. Subtilement, Rome a égaré ceux qui affirmaient qu'il y avait dans le monde un vrai complot en les envoyant dans plusieurs fausses directions. C'était un merveilleux écran de fumée pour détourner l'attention loin du Vatican. De nombreux livres ont été publiés accusant communistes, commission trilatérale, famille Rockefeller, sionistes, Illuminati, Club de Rome, etc. Le fait vraiment tragique, c'est que l'Église catholique a créé la plupart de ces organisations, ainsi que les organisations qui luttaient avec eux. Il s'agit encore d'un grand jeu. La Deuxième Guerre mondiale. Considérons la Deuxième Guerre mondiale. Peu après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne traversa une grande crise. Certains juifs pro-catholiques furent obligés par le Vatican d'acheter les terres des Allemands abattus et affamés. L'argent était fourni par le Vatican et les pro-catholiques achetaient ces terres à bas prix. Les Allemands en étaient désespérés. En temps utile, les Jésuites profitèrent de ce qui se passait avec les Juifs pour provoquer la haine contre les Juifs orthodoxes. Le vrai motif de cette haine était le fait que beaucoup de Juifs riches ne ressentaient aucune pitié envers les Allemands en achetant leurs terres pendant la crise. Et maintenant, le moment était venu pour qu'ils payent cela. Tout était bien planifié. À la fin de la Première Guerre mondiale, quand le traité de Versailles fut signé en avril 1919, les Alliés étaient très en colère contre l'Église romaine qui avait commencé cette guerre, au point de ne pas la reconnaître comme puissance politique, la tenant ainsi loin de la table de conférence. Quoique l'Europe soit devenue une boucherie, ni l'Église française ni l'Église orthodoxe en Serbie, plus tard en Yougoslavie, n'en étaient brisées. Les jeunes gens en Allemagne ne savaient pas quoi faire. Ils étaient prêts à se révolter. L'inflation détruisait l'État. Les communistes organisaient des démonstrations révolutionnaires. Les jésuites circulaient sur trois fronts. Le pape Benoît XV, mort empoisonné en 1922, fut remplacé par le pape Pie XI. Le premier front fut l'Italie. En ce temps-là apparut un homme inconnu qui se pavanait en affirmant être le nouveau César, destiné à reconstruire l'Europe romaine, l'Empire romain. Son nom était Benito Mussolini. C'était un arrogant, impitoyable et corrompu. Sa petite armée en chemise noire n'était qu'un crépuscule de brigands qui battaient tous leurs ennemis jusqu'au point de les soumettre. Le pape noir ordonna à son remplaçant de travailler avec Mussolini. Son prêtre confesseur était un jésuite nommé Venturi. Mussolini vint au pouvoir grâce aux voix des électeurs dirigés par le Vatican. Le pape Pie XI a dit à propos de Mussolini, c'est un homme envoyé par la providence de Dieu pour s'acquitter de sa dette. Pour s'acquitter de sa dette envers le Vatican, Mussolini mit sa signature sur le concordat en faisant ainsi du catholicisme romain la seule religion permise en Italie et dans ses régions. Mussolini renouvela la force du pape et donna aux prêtres le pouvoir total sur la vie de la nation. L'Italie devint la principale puissance dirigée par un dictateur fasciste catholique. Il forma une puissante armée moderne dont il testa la valeur en attaquant l'Éthiopie. L'Italie avait besoin de nouveaux territoires. Les pauvres Éthiopiens n'eurent pas de chance. Ils combattirent courageusement avec leurs lances et leurs cuirasses, mais ils tombèrent massacrés par la force aérienne de Mussolini, qui utilisa, aux accords de l'Atran avec Mussolini, non seulement les bombes, mais aussi les gaz toxiques. Accord de l'Atran à Mussolini. Voici la photo, en grand format, des accords de l'Atran, où on voit le président Mussolini signer des accords avec des érudits de l'Église catholique. Le pape bénit les unités de Mussolini et le cardinal archevêque de Milan, Alfred Ildefonso Schuster, lui-même jésuite, appela la croisade catholique ce massacre des Éthiopiens. Ouais. En 1923, en Allemagne régnait le chaos. L'inflation était très élevée et l'argent sans valeur. De la guerre, de la mort et du désespoir, le peuple allemand en avait par-dessus la tête. Il accusait le Kaiser de tout et finit par se débarrasser de lui et de son gouvernement. Les communistes luttaient pour la suprématie. Le nouveau pouvoir était très faible. Certains voulaient que seuls les Allemands dirigent leur gouvernement, à l'instar des Français, en essayant de faire de l'Allemagne une république. Le pape en était furieux. La république fut condamnée à la ruine. Les jésuites se mirent à stopper la création de la nouvelle république allemande. Deux hommes s'en occupèrent, Franz von Papen et le cardinal Pacelli, qui deviendra plus tard le pape Pie XII, plus connu comme le pape d'Hitler. La scène fut montée pour l'arrivée de la nouvelle star du catholicisme romain en Allemagne. Son nom était Adolf Hitler. Le prêtre jésuite Stimpf fut chargé d'écrire pour Hitler un livre intitulé « Mein Kampf, mon combat ». Ce livre fut le chef-d'œuvre de jésuites, fait pour Hitler afin qu'il puisse mettre la main sur l'Allemagne. Une nouvelle grande inquisition s'annonçait. Au lieu d'être habillés en soutane, les catholiques portaient les uniformes nazis. Les hommes d'Hitler en uniforme brun, nommés nazis, soutenus par le Vatican, utilisaient la même tactique que Mussolini en battant et en persécutant leurs ennemis pour les asservir totalement, y compris les catholiques romains. Les luttes de rue commencèrent entre les catholiques nazis et les catholiques communistes. L'Allemagne serait la récompense pour le vainqueur. De telles activités politiques, en tant qu'expérience, ont eu lieu il y a quelques années en Pologne, mais également au Canada, au Salvador, au Chili et d'autres furent prévues aussi en Amérique. L'Allemagne devient un deuxième front pour les jésuites. Ils construisèrent le Troisième Reich. Le symbole de l'Inquisition naissante était le swastika ou la croix gammée, un bon vieux symbole occulte. Hitler était le choix du Vatican. Il était destiné à devenir le vainqueur. Quand on apprit que le pape Pie XI soutenait Hitler, les voix catholiques se portèrent sur celui-ci, ce qui le conduisit au pouvoir en 1933. Ici, on a une photo de Hitler et de ses bras droits, Goebbels, von Papen et Himmler, qui sont les trois têtes après Hitler. sinon même les cerveaux, les penseurs. Le monde se trouvait en face d'une odieuse machinerie nommée le Troisième Reich, où les catholiques étaient les maîtres. À l'exemple de l'Italie, l'Allemagne signa un concordat avec le Vatican à Rome en 1933. Le signataire de ce concordat était le cardinal Pacelli, plus tard devenu le pape Pie XII, pape d'Hitler au milieu de la photo. Celui-ci, von Papen. Le premier, ah non, c'est plutôt en bas. Le premier en partant de la gauche sur la photo, c'est Franz von Papen. Bon, ici en bas, c'est difficile à voir. Donc, voici Papen ici. Voilà, c'est Papen qui est ici. OK. Donc, ici, tout en bas sur la photo, je crois que c'est aussi lui qui est ici. En veste ici. OK. Donc, le premier en partant de la gauche sur la photo, c'est Franz von Papen, nazi pervers et catholique loyal, diplomate principal et agent du Vatican, aidant ceux qui voulaient porter Hitler au pouvoir. Von Papen se vantait devant tout le monde. Le Troisième Reich est la première puissance qui non seulement reconnaît, mais aussi pratique les hauts principes de la papauté. À droite du cardinal se trouvait le prélat connu au Vatican, Montini, devenu plus tard le pape Pie VI. C'est celui qui est ici, le pape Pie VI. Montini. L'Espagne devint un troisième front. Les trois présidents espagnols, Niceto, Alcalá, Zamora, Manuel Azaña et Juan Negrín, tous formés à l'école des jésuites, exigeaient l'adoption de cinq lois qui empêcheraient l'influence du Vatican sur la République espagnole. Après la découverte des cadavres de bébés dans le souterrain d'un couvent, voir la page 13, on promulgua des lois afin de régler les questions suivantes. Les propriétés de l'Église catholique romaine doivent être nationalisées. Toutes les églises catholiques doivent payer des impôts. Les écoles ne seront plus administrées par les prêtres catholiques romains. Toutes les écoles, couvents et monastères doivent être mises sous le contrôle de l'État espagnol. Il faut reconnaître les religions non catholiques. Ce fut le commencement de la guerre sanglante contre le Vatican. Le pape engagea quelques divisions de mercenaires musulmans qui, sous le commandement de Franco, un bon franc-maçon, devaient lutter contre les catholiques, les juifs et les protestants s'opposant à lui. À cause d'un grand nombre de communistes qui soutenaient la République, le monde fut induit en erreur croyant que tout ce qui se passait était une révolution communiste. C'était le résultat des informations contenu dans les journaux contrôlés par le Vatican qui cachait la vérité. Le pape excommunia les chefs de la République espagnole et déclara la guerre spirituelle entre le Saint-Siège et Madrid. Le gouvernement de Franco fut reconnu par le Vatican le 3 août 1937, 20 mois avant la fin de la guerre civile. Le général Franco devint enfin le dictateur catholique de l'Espagne. C'est ainsi que les jésuites eurent leur chef sur leurs trois fronts. Ces trois hommes devinrent les protecteurs de la foi, Hitler, Mussolini et Franco. Le sang devait couler dans le monde entier, dans une nouvelle guerre sainte. Une nouvelle inquisition s'annonçait. Les catholiques allemands commencèrent, sous l'ordre du Vatican, à s'associer aux églises protestantes. C'était la manière idéale pour réaliser, pendant des décennies, le plan incluant la destruction des Juifs. Ces catholiques, qui étaient sous serment, faisaient de grands efforts pour gagner la confiance des ministres protestants, ainsi que celle des membres de leurs églises. Les violences anti-juives ayant commencé, ces agents catholiques, faisant semblant d'être protestants, accusaient publiquement les Juifs en les dénonçant à la Gestapo qui les envoyait dans les camps de la mort. Beaucoup de Juifs croient, même aujourd'hui, avoir été dénoncés par des protestants. Les jésuites sont les maîtres de l'imposture. Le Vatican a pris un millier de Juifs qu'ils avaient convertis au catholicisme et les avait cachés sous les monts du Vatican pendant la guerre. Pourquoi? à cause de la possibilité qu'Hitler soit vaincu. Le Vatican s'assurait toujours pour le cas où leur plan ne soit pas réalisé. Ainsi, il pourrait affirmer devant le monde entier d'avoir protégé les Juifs. Quelle calamité et quel jeu sordide! Pendant que l'Allemagne était occupée à construire sa machinerie de guerre, les Jésuites faisaient des préparatifs au sein des différents États en vue de la future invasion d'Hitler. Les Jésuites s'occupaient aussi d'organiser la cinquième colonne. La cinquième colonne veut dire l'armée secrète dans un État, prête à jeter les armes et faire tout ce qui est en son pouvoir afin d'aider l'ennemi à occuper leur propre pays. L'organisation nommée l'Action catholique était dans ces pays la cinquième colonne. En Belgique, les prêtres jésuites Picard, Arendt, Foucault prêchaient le programme fasciste d'Hitler en l'appelant renouvellement spirituel. Ils préparaient ainsi la voie au char allemand. En France, l'Action catholique devint la cinquième colonne travaillant sous le nom de Fédération nationale catholique. Les jésuites disaient aux catholiques que le pape était du côté d'Hitler et c'est ainsi que ces catholiques furent prêts à servir en temps utile dans l'armée fasciste catholique. Attaquée par les chars allemands, la France fut occupée en 30 jours grâce à l'Action catholique. Aux États-Unis, le prêtre jésuite Kuglin gagna par la radio plus de 20 millions d'adeptes. Il déclara la guerre menée par les Allemands est une lutte pour le christianisme. Il s'occupait aussi des groupes secrets de commandos dans les principaux centres urbains, utilisant les méthodes des fils de Loyola et entraînés par des généraux nazis. Telle était l'Action catholique en Amérique de 1936 à 1942. Le pape Pie XI mourut le 10 février 1939. C'était une mort mystérieuse de plus. Sur le trône lui succéda le pape Pie XII, qui priait pour la victoire des nazis. Hitler avait commencé cette attaque destructrice en Europe et la Deuxième Guerre mondiale éclata. L'Allemagne, l'Italie et le Japon firent la guerre au reste du monde, causant la mort, les blessures et la mutilation de millions de gens. La guerre dura 6 longues années sanglantes. L'une des plus grandes sources d'informations militaires passées par le Vatican, par l'intermédiaire des confessionnaux catholiques dans le monde entier. Le service secret allemand ou la Gestapo fut formé par Heinrich Himmler, d'après les principes de l'ordre jésuite. Hitler disait à ses amis « Je vois Himmler comme notre Ignace Loyola ». Beaucoup de prêtres catholiques se retrouvèrent en uniforme noir du service secret. Le prêtre jésuite Himmler, oncle d'Heinrich Himmler, fut l'un des officiers les plus importants de ce service. Environ 6,5 millions de Juifs furent tués. L'Inquisition battait son plein. En Yougoslavie, les membres de l'Église orthodoxe de nationalité serbe furent tués par de dieux Ustachi, un groupe catholique dirigé par les jésuites. Leurs victimes subissaient des atrocités et des massacres indescriptibles. Beaucoup de prêtres étaient membres de la brigade catholique d'Ustachi, chargée de la liquidation de ces gens. Après la guerre, l'Ustachi, Andrija Arčuković, prit la fuite en Amérique. Après avoir tué, directement ou indirectement, presque 1 million de personnes, la plupart membres de l'Église orthodoxe. Arčuković faillit être extradé en Yougoslavie pour y payer pour tous ses crimes, mais ceci n'eut pas lieu car une institution catholique, le cardinal Spellman et les catholiques qui contrôlaient les services américains d'immigration ainsi que le service américain de renseignement bloquèrent son extradition en Yougoslavie. Je crois que celui qui est ici sur la droite, sur la photo. Le maître, le pape Pie XII, en fut très content. Tous ceux qui ne voulaient pas se soumettre à sa sainteté en payèrent un prix horrible. Au Vatican, Le cardinal Augustin Béat a fait un résumé des événements pendant et après la Deuxième Guerre mondiale. La guerre touchant à sa fin, l'armée soviétique, qui recevait des armes des Américains, attaqua de l'Est, tandis que les Alliés occupaient l'Allemagne en anéantissant l'armée hitlérienne. En réponse à la demande secrète d'Hitler, le général Franco envoya en Allemagne sa division bleue assez connue, constituée pour la plupart de soldats basques. Toute la division fut dépêchée en train à travers les lignes des Alliés. Elle voyageait sous le drapeau du Vatican. On a dit aux Alliés qu'il s'agissait d'une mission pour sauver des abbesses, des prêtres et des moines. La division bleue se battait aux côtés des Allemands en défendant Berlin. Adolf Hitler, ayant compris que la guerre était perdue, se suicida. L'amiral Karl Dönitz, un bon catholique, lui succéda et prit le pouvoir en Allemagne nazie. Au lieu de retourner la division bleue en Espagne par le train, comme les nazis l'avaient promis, l'amiral Dönitz y mit l'or allemand et l'envoya en Suisse pour être déposé dans une banque du Vatican. La division bleue fut trompée. La plupart de ceux qui survécurent se retrouvèrent dans les prisons russes. On dit aux Américains que ce train qui devait passer à travers leur ligne était le train de la miséricorde, envoyé par le pape et qu'il transportait du matériel médical pour des blessés. Pas d'inspection quand on vit passer le train avec les drapeaux du pape. Quelques survivants de la division bleue, de retour en Espagne, furent tués ou mis dans un asile d'aliénés pour s'assurer que la vérité sur l'or allemand soit cachée au monde. Cependant, les officiers spéciaux de la division bleue, qui participaient au complot, revinrent couronnés de gloire, bien récompensés de leurs efforts. L'Allemagne capitula le 9 mai 1945. L'Europe était en ruine. Les jésuites étaient toujours prêts à accepter le revirement de la situation, prenant toujours des mesures de précaution au cas où la Deuxième Guerre mondiale serait perdue. Ce plan prévoyait les actions suivantes. 1. S'assurer que chacun croit que le Vatican n'avait rien à voir avec la guerre et peu à peu faire croire au monde que l'Holocauste n'a jamais eu lieu. 2. Être sûr que des rebelles, prêtres, religieuses et moines étant contre le Vatican soient détruits dans les camps de concentration. Et d'autre part, persuader le monde que les adhérents du pape étaient aussi persécutés. 3. Demander à certaines familles catholiques et à leurs prêtres d'abriter des juifs dans leur maison et qu'un jour ce soit un bon motif pour des films, des livres. Il faut souligner que ces juifs étaient déjà convertis au catholicisme. 4. Mettre un nouveau masque au visage pendant le deuxième concile du Vatican. 5. Instituer le pape communiste derrière le rideau de fer pour faire plaisir aux communistes et essayer ainsi de les convertir au catholicisme, d'accomplir de cette manière la prophétie de Fatima, dont je vais dire tout à l'heure quelque chose de plus, dans laquelle le pape Pie XII fut profondément inclus. Le jour de la mort d'Hitler, les journaux espagnols publièrent « Adolf Hitler, le fils de l'Église catholique, est mort en défendant le christianisme ». On ne peut pas trouver de vrais mots pour pleurer sa mort, étant donné le nombre de gens qui exaltaient sa vie. Au-dessus de sa dépouille reste sa victorieuse figure morale. Dieu a donné à Hitler la couronne de laurier. Ce discours funèbre au chef nazi, une vraie provocation pour les alliés victorieux, fut prononcé par le Saint-Siège lui-même, masqué par le journalisme espagnol de Franco. C'était un communiqué officiel du Vatican, publié toutefois par l'intermédiaire de Madrid. Est-ce que l'Église catholique s'est excusée au monde ou aux Juifs de toutes ces bestialités? Bien sûr que non, et elle ne le fera jamais. Elle hait les Juifs même aujourd'hui, Le Vatican n'acceptera les Juifs que le jour où ceux-ci permettront au Vatican de contrôler Jérusalem. Si jamais l'Amérique signe le concordat avec le Vatican, le catholicisme sera la seule religion reconnue en Amérique et les images du passé surgiront parmi les peuples américains et ses enfants. Les négociations concernant la signature du concordat sont en cours, si bien que celle-ci devrait être bientôt acceptée. Récapitulation historique. La machinerie religieuse actuelle est très, très vieille. Elle commença à se constituer juste après le déluge de Noé. Nimrod et sa mère Sémiramis ont produit une religion occulte dans la ville de Babylone, religion qui s'est répandue dans le monde entier. Nimrod s'était marié avec sa mère. Après la mort de Nimrod, Sémiramis disait qu'il était devenu le dieu du soleil, Baal. On lui donnait des noms différents comme Sol, Tammuz, etc. Ce système a fait de Sémiramis une déesse portant différents noms, tels que Isis, Vénus, la reine du ciel. Comme dans le système religieux d'aujourd'hui, tout cela était lié à la politique mondiale. Du temps où je me trouvais encore sous le serment jésuite, on m'avait dit qu'on donnerait un signal secret aux jésuites dans le monde entier au moment où le mouvement œcuménique finirait par détruire le protestantisme et préparerait les conditions pour signer le concordat entre le Vatican et l'Amérique. Ce signal serait reconnu quand le président de l'Amérique aurait prêté serment tourné vers l'obélisque. C'est au temps du président Reagan que, pour la première fois dans l'histoire américaine, le serment dans la cérémonie présidentielle fut prêté du côté ouest du Capitole. Le président s'est tourné à l'occasion vers ce monument de Washington. Cela a eu lieu le 20 janvier 1981. Est-ce que le président en était conscient? On n'en sait rien. Le président Reagan prête le serment présidentiel à Washington, tourné vers l'obélisque. L'obélisque est une colonne quadrangulaire dont les côtés sont orientés vers les quatre points cardinaux, surmontés par un pyramidion. Il représente la combinaison du pouvoir global religieux et séculaire. De tels obélisques se trouvent en Égypte, à Washington et au Vatican. Pour les jésuites, maçons et autres adhérents des organisations secrètes, c'est le symbole d'un seul gouvernement mondial. L'obélisque est un symbole occulte représentant le dieu du soleil, Baal. C'était aussi le symbole de la fécondité, soit le symbole du phallus, membre viril en érection, comme vous pouvez le voir. Après la Deuxième Guerre mondiale, le pape Pie XII refusa d'accepter le second enfant du Vatican. Le communisme fut rejeté. Le pape Jean XXIII vint au pouvoir et organisa le Deuxième Concile du Vatican, dont les résolutions anéantirent presque complètement toutes les autres religions en Amérique et en Europe, triomphant grâce à l'amour et aux embrassements. Le pape Jean XXIII protégeait son favori dans l'hémisphère ouest. Il s'agissait de Fidel Castro, idole des masses exploitées, catholique loyal et jésuite sous serment, bien entraîné. Malheur à celui qui entrerait en conflit avec Fidel. Les chefs le soutenaient tout à fait, y inclut le pape aimé de la Pologne, le Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan, ou KKK, fut créé par des officiers de guerre sudistes catholiques après la guerre civile américaine. Ces hommes, guidés par les jésuites, devinrent plus forts de